وعليكم السلام. وعليكم الآن بسم الله الرحمن الرحيم. Du quoi pour aujourd'hui on avait dit طيب الجملة الأولى تفضل عندك قلمون يا محمد طيب من يحكمه avec يا آمنة عندك قلم يا أمينة نعم ولا جملة ثانية أين بيتك يا أستاذي أين بيتك يا أستاذي نعم ثالثا على دفترك دفتر لك يا علي عندك أحمد هذا ثالثة نعم هذا دفتر لك يا فاطمة نعم هذا دفتر ليس دفتري دفتر لك نعم من أين أنت يا أخي أين أبوك يا خالد؟ أين أبوك يا خالد؟ أنت مريض يا خالي؟ أنت مريض؟ أنت مريض؟ أنت؟ أنت مريضة؟ مريضة؟ مريضة يا يا خالد؟ خالتي تعرفينه؟ خالة في ال ال في ال طب ماتيرنال. طب أوي بس. عندي خال في لونج ماتيرنال خالة. لا طب ماتيرنال. لا صاد لا ميع. أين بيتك يا عمي؟ أين بيتك يا عمتي؟ نعم. عمتي. عمتي. ألك أخ يا حامد؟ يا إيش؟ نعم. ماذا عندك يا أخي؟ ماذا عندك يا أختي؟ السلام عليك يا أبي. السلام عليك يا أمي. طيب. lorsqu'on veut يعني الفعل خرج يخرج مثلا خرج إلى البيت. كيف يكون مع المؤنث؟ كما لي أو في ميناء؟ خرج خرج؟ نعم خرج يخرج لو بالماضي avec le avec هي كيف تقول؟ هي خرجت نعم خرجت ما اسمه ديتا؟ ستا كما يسابل؟ ستا ستا مؤنث ما أنا فدي كم ساق ستا أنا شفتنا تأنيث الساكنة تأنيث الساكنة تأنيث الساكنة تأنيث الساكنة ونديك ستاء تكوى الدليل كل فاعل مؤنث طيب نعم طيب فلا منص كي كونسان لغاسيس 3 يقول أنيث الفاعل في كل من الجمل الآتية يعني لا الفاعل المذكر هو ظلمة مؤنث مثلا خرج محمد من البيت فدنيا خرجت أمينة من البيت طيب جملة الأولى ذهب المدرس إلى الفصل ذهب المدرس إلى الفصل أنيس هذه الجملة ذهب المدرس نعم ذهبت المدرسة إلى الفصل ذهب أبي إلى المستشفى ذهبت أمي إلى المستشفى نعم جلس الطالب في الفصل أحمد جلست الطالبات أكوا جلست الطالبات الطالبات طالبات طالبته في الفصل. خرج أخي من البيت. خرجت أختي من البيت. طيب. Regardez, on va prendre une murajaa, ce qu'on avait pris en ce qui concerne Iltika Sakinein, la rencontre entre deux lettres Sakin. Yakul, ta'ammal mayali, analyse qui suit. Jalasat à Taliba. El Asl, c'est le ta, on a dit qu'elle est comment? Sakina, Sukun. Voyez, c'est pour ça quand tu fais la lésion, tu vas dire Jalasati Taliba. Pourquoi? Pour pas que le ta Sakin se compte avec le Hamza Sakin qui est après. Donc on met une kasra. Ah, tu vas pas dire Jalasat? Attends, tu peux, mais si tu enchaînes, tu lis, tu dis Jalasati Taliba. Tu dis pas Jalasati Taliba. Mais dans ce cas-là, quand tu vas écrire, ça change. Il va prendre une kasra. Il va prendre une kasra. Non. Ouais. Cette kasra, c'est juste pourquoi? Pour empêcher qu'il y ait deux lettres Sakin qui se rencontrent. C'est tout. Elle n'est pas d'origine, cette kasra. Vous voyez? Elle n'est pas d'origine. Mais l'origine, c'est Jalasati Taliba. Non. Ma foi, Mala. On avait pris, ça s'appelle Ittika et Sakinein. La rencontre entre deux Sakin, deux harf qui n'ont pas de haraka. Inch'Allah, Mohamed, il le passera. Il l'avait écrit la dernière fois. Le quoi? Ittika et Sakinein. Il quoi? Ittika et Sakinein. Quand tu la maison, quand tu Ikra et Jumel Atiya. Maintenant, là, ça concerne quoi? Ismousoul. Mousoul. Pour le Mu'annas et Mufrad, c'est-à-dire Al-Lati. Nous, on a déjà pris Al-Lavi. Vous voyez, on a déjà pris Al-Lavi. Maintenant, on vient avec des exemples pour comprendre Al-Lati. Yakul. Man al-Fata al-Lazi kharaja min baytika al-An. Wabnu Ammi. On a le Shahid Al-Lavi. Quel est ce garçon qui est sorti de ta maison à l'instant? Tu dis, c'est mon cousin. C'est le fils de mon oncle paternel. Donc, le shahid, c'est Al-Lazi. Man al-fatatu lati kharajat min baytika al-an ya Muhammadu. Yakul ya bintu khaliti. Qui est cette jeune fille qui est sortie ou qui vient sortir de ta maison? Il a dit, c'est ma cousine, c'est la fille de ma tante paternelle. Vous voyez? Donc là, il a dit Al-Lati. Al-Muzakar, Al-Lazi. Le mouannas al-lati. Ayeb al-lati. Le mouannas moufrad. Ayeb. Féminin singulier. Thalithan. L'iman al-miftahu al-lazi al-maktabi. Ou al-mudarrisi. A qui est la clé qui est sur le bureau? Elle est au directeur. L'enseignant. Donc le shahid al-lazi. Ayeb al-lazi. L'iman al-sa'atu al-lati al-sariri. Il y a les Zaudi Urti. À qui est cette montre qui est sur le lit? Elle est au mari de ma soeur. Donc, mon beau-frère. Donc là, le shahib, c'est Al-Lati. Elle revient à qui? Sa'a. Sa'a Mu'anna. L'iman al-sa'atu al-lati al-sariri. À qui est la montre qui est sur. Et comment tu dis pas l'iman al-sa'atu? Il mène Sa'atou, ça c'est quand tu veux. Là, Sa'atou de Moutada, Mouakha. Taïeb. Sa'adissam. Akmil al-Jumal al-Atiata bi-Wad, Ismin Wosulin Munasabin, Al-Lazi al-Lati fil-Farah. Là où je vais mettre dans les vides, un Ism Wosul, autant qu'il correspond. Non. Le mène Sa'a. Donc le Sa'adis, Inch'Allah, l'Iyum Sept, pour samedi, c'est le Bayt. Vous voyez? De quoi? Exercice 6, c'est pour l'Iyum Sept. Vous devez mettre à Ousmo Soul, qui correspond. Ou à Mouzakal, en moins 9, dans le vide. Vous voyez? Vous voyez, maintenant, elle a un cours de Kedimet et Jadida, de nouveaux mots. El-Am, El-Am, Kulna wa Akhul Ab, c'est le frère du père. El-Khol, Akhul Oum. Vous voyez, c'est le frère de la mère, l'oncle maternel. Et le premier, c'est l'oncle paternel. Al-Fallah. On a dit quoi, Al-Fallah, qui se rappelle? Paysan. Paysan, non. Après l'exercice. Al-Ammatou. Al-Ammatou. c'est le mouanès de l'am. Donc c'est Ursul Ab. Vous voyez, c'est la tante paternelle, la sœur du père. El Khalatu Ursul Um. C'est la sœur de la mère, donc la tante maternelle. Mandak. Il l'a pas. Moustachfel Wilada, qui nous rappelle c'est quoi? Non, la maternité. Non, c'est l'hôpital pour la maternité. Donc la maternité, tout simplement. Ça y est, on a trouvé le def. Wadjaoud, on a dit c'est le recteur. Hein? Recteur. Recteur, ça y est. Celui qui est dans l'école, qui dirige les gens. Directeur, quoi. C'est pas le directeur, le directeur c'est vous dire. Un conseiller, quoi. Ok. Tu vois, ça peut être ou recteur ou ça peut être aussi le, ce qu'on appelle le pion là. Surveillant. Ah non. Le surveillant. Moi Djahoun. Si on l'a vu, hier. Hein? Surveillant. Pas un surveillant, mais celui qui dirige les élèves vers les classes, tout comme ça. Quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est le conseiller, non? Peut-être conseiller. Non, conseiller, ça aurait été. Ah oui, je vois ce que tu dis. Là. Je sais plus comment ça s'appelle. De toute façon, c'est derrière nous. طيب الدرس هو الثالث عشر صحيح من الصوم donc maintenant ça va être quoi on va entrer dans quoi dans le jam ce درس concerne le jam le pluriel on va prendre اسم الشارع الجام on va prendre ضمائر الجام كذلك donc on va lire la première partie du درس c'est alif bon faites pas attention aux images hein c'est pas très les malabis ne sont pas chalaïa, tu vois. Yakul, man haoulaï el fatiatu et tiwalu ya aliou. Qui sont ces jeunes garçons, grands, ces grands jeunes garçons, au Ali? Tiwal, c'est Djam de Tawil. Taïeb, ou haoula, c'est ça va venir. Hum, tulaiboun, doudoudoun. Ils sont des nouveaux étudiants. Min eina hum. D'où sont-ils? Hum, min America. Ils sont d'Amérique. Ahum zumala ouka. Est-ce qu'ils sont tes camarades ou tes collègues? Zumala, c'est le jam des amis. Nam, hum zumala'i. Hum fi fasli. Oui, ils sont mes camarades, ils sont dans ma classe. Ahum mujtahidun. Sont-ils studieux? Motivés, quoi. Non, motivé, c'est la hamma, c'est un autre mot. La motivation. Ils font, ils font des efforts, ils travaillent bien quoi. Naam, vous mouchtahidoun. Salam alaikum. طيب هم مجتهدون نعم هم مجتهدون ما اسماؤهم اسماء في الجمع دو نعم الجمع دو اسم كيف هم لهم اسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله ومن هؤلاء الرجال الكثار كي سون سي زام بيتي او سي بيتي زام كثار في الجمع دو كثير ومن هؤلاء نعم هؤلاء في اسم الشرف والتريال في التريال ده هذا عادي ان شاء الله هم حجاج حجاج في الجنب ده حج وحج يسوليك في الحج طيب حجاج يسوليك في البلان يسوليك في الحج من اين هم دو سنتيل بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان certains sont de la Chine et certains d'entre eux sont du Japon أين موسى وأصدقاؤه؟ هو موسى سيزامي أصدقاء في الجمع دو صديق صديق في الأمي ذهبوا إلى المطعم لا ذهبوا لا سيفيا ما أردي طيب منو إلا فاعل بلوريال سي إي فون بارتي سيبال واو جماعة سامي إن شاء الله دوك منو أون أبري كو دو نوفو هؤلاء هؤلاء سيف مشارة للجم المطلق مذكر ومؤنث il est mixte. Il dit Haoula al-Rijal ou Haoula al-Nisa. Est-ce qu'Allah dit dans le Coran ou quand il dit Haoula? C'est eux. Vous voyez? Donc il est mixte. Il est pour le, c'est Ism Ishara pour le pluriel Al-Qarib. Tayyib, Al-Qarib. C'est le pluriel de Hada. Haoulaï, c'est le pluriel de Hada. Hum, c'est un damir munfasil. Tayyib, Al-Ghaib, Al-Jam, Al-Muzakkar. Pour le Ghaib, en fait, c'est le pluriel de Hum, de Houa. Hum, c'est le pluriel de Houa. Houa, on a dit damir munfasil, l'Ghaib, Al-Muzakkar. Fahum, damir munfasil, Al-Jam, Al-Muzakkar. Tayyib, Hum, c'est il, eux. Non. Non, ça va bien, Inch'Allah. Et on a pris aussi quoi? Ce qu'on appelle Jam Taksir. Comme, مثلاً. Là, là, là, on a. Un problème. Jam. جمو جمو تكسير طيوالو يبقى كمان ها طيوالو لو كمان لا طيوالو طيوالو واسع جم طويل جم تكسير مثلا هو بونس اكزامبل اهو مثل طويل مثلا هائت طوال جم تكسير en fait c'est regardez les frères Ahmed جم تكسير c'est un pluriel on va dire on dirait cassé c'est quand l'apparence du singulier elle se change dans le pluriel elle n'a pas la même apparence il y a une transformation qui se fait تكسير يعني هذا كاسي نعم طيب خلي يجلس هنا ايا وثبت باي زامبل طويل هذا سا مفرد طيب مفهوم جام سافيت طوال دونك كونستات كو لو مفرد سون ابيرونس ديفيرونت جام سون ابيرونس لا شانجي اون فادير ايتي كاسي بريزي لا تامي طيب سي كوا جام تكسير هذا من ليكزامبل طويل ça c'est le mufrad son jam c'est tiwal tiwal donc tiwal c'est un jam taksir parce que le jam il est de deux catégories t'as le jam muzakkar salim celui où tu as juste un waw ou un nun مثلا muslim muslimoun et t'as jam taksir celui dont quoi dont le pluriel a une apparence différente de celle du singulier donc pour l'instant on est dans le jam taksir et le jam muzakkar salim ça va venir après Inch'Allah. Par exemple, pareil, il écrit Oum Tulaibun Judud. Judud, c'est le jam de Jadid. Donc, on regarde bien, l'apparence n'est pas la même. Le ya, il est tombé, l'on a mis une Dhamma. C'est un jam taksir. Pareil, on a quoi Zumala. Zumala ou. C'est le jam de Zamil. On a vu que l'apparence, elle a changé. Zumala ou. Et la plupart du temps, ça change. Tu peux dire, ça peut être Jam Zakar Salim. Tu rajoutes juste un waw ou un nun. C'est la même chose que le Mufrad, et à la fin tu rajoutes un waw ou un nun. Par exemple, Jadid, tu peux dire Jadidoun. Ouais. Tu peux dire. Tu vois. Tu peux dire Jadidoun. Là, c'est pas Jam Taksir, ça va être un Jam Zakar Salim. Et tu peux mettre les deux sons. Des fois, t'en as, ils sont utilisés plus que d'autres. Tu vois. Jadid Muzakar Salim. Hein Muzakarish. Jam Zakar Salim, et après, on va dire, Inch'Allah. Par exemple, regarde. Oum Mujtahidoun. Ça, c'est un Jam Muzakkar Salim. Vous voyez ? Oum Muzakkar. Oum Mujtahidoun. On va le mettre. Ça, c'est un Jam. Le deux, c'est Jam. Muzakkar Salim. Jam. Le Muzakkar Salim. Mathalan. الجمع المذكر. ما في الجمع المذكر مجتهد. عايز انبطه عليك حمير. جمع المذكر السالم. مجتهد مثلا. مجتهد. Le deuxième, ça va être quoi? Mujtahidoun. On rajoute un wa ou un nun. Mujtahidoun. Un muzakkar, comment après? Salim. Salim. Nam. Salim, à cela. Mujtahidouna. Tu rajoutes un wa ou? Et un nun avec une fatha. Mujtahidouna. Comme ça on dit. Mujtahid, il n'y a pas d'ya. Non. De toute façon, tu l'entends dans le med. Il n'y a pas de med. J'ai pas dit mujtahid. Si tu sais qu'il y a un ya ou un alif ou un wa, c'est dans le med. S'il n'y a pas de med, c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de wa ou il n'y a pas de nun. Il n'y a pas de wa ou il n'y a pas d'alif. Et il n'y a pas de ya. Donc là, ça l'écoute quand tu le vois. Ça veut dire qu'il ne change pas. Quoi. Ça veut dire qu'il en fait, il reste d'apparence d'origine. Juste, tu rajoutes un wa ou un nun à sa fin. Ouais, alors, en français, ça change pas. Tu vois. Mujtahid. C'est le mufrad. Mujtahidoun. C'est le jam. Jam ou zakar salim. Et certains mots. Non. Et certains mots, tu peux faire le jam dans les deux. Et certains n'ont juste que celui-là. Jam ou zakar salim. Et d'autres n'ont que le takfir. Et certains sont mujtahidoun. Il rentre là-dedans et là-dedans. Donc attends, comme exemple, tu as dit. Allez, mujtahid associé. Là, comme il est dans le vers. Mujtahid, mujtahidouna. Mujtahidoun. Donc là, dans le texte, on a plusieurs exemples. On a Zumala ou c'est de Zamil. On a Asma ou c'est de Ism. On a quoi encore? Kisar, c'est de Kassir, court, petit. On a Hujjaj, de Hajj. Et ça, c'est de Jem Taksir. Voilà. Tous. Il y a quoi encore? Asdika ou c'est de Sadiq. Ça y est? Mata'im, nam. C'est mujtahidoun ou mujtahidoun? Mata'im, mujtahidoun. Mata'im, c'est ça? Ou mata'im? Mata'im. Aïm, bil'aïm. Fayyib. La yadi tamarin. Hawil al mutada. Fi kouli bin jumel l'atiya il est jam. Mafalan, il dit. Khalas. Fakat. هذا طالب. Donc ça veut dire quoi en pluriel? هؤلاء طلاب. Donc il veut que vous fassiez ça avec toutes les phrases. Que le mutada, vous en fassiez quoi en pluriel? Ça veut dire quoi talabat? Hein? C'est un jam aussi. Talabatu. C'est un jam aussi. Il y a plusieurs jams. Un mot peut avoir plusieurs pluriels. Fanta kafir, kafirun, kuffar, kafara. Là, tu dis. Par exemple, kafir, ils ont donné deux. Tu dis kuffar, c'est djem takfir, et kafirun, c'est djem muzakkar salim. Tayyib. Hada tajirun. Annek Ahmed. Mais nous, en djem. Hada tajirun. Mais il est en pluriel. Regarde dans le livre, il y a le pluriel écrit entre parenthèses. Tu mets le ismi shara pour le pluriel, et après, le mot pluriel. Fa'al, ça c'est. هؤلاء أي هؤلاء تجارة لا أجاب نفس الشيء هؤلاء تجار تجار تجار فاز التفسير الداجي إيش فعل ها فعل إيش فعل أذكر فعل أو تو فعل شو نبى فعل أفعل فعل أفعل أفعل ها فعل لا لا فعل. Ça c'est des bosses d'or, ça n'a rien à voir. Mais attends, mais tu peux pas dire, tu peux pas dire. De quoi? Hum. Hum, c'est donc si je dis hum, ce sera toujours tidjarun. Ah oui, hum tidjarun. Hum et haoula, c'est pareil en fait. Là, ce sera pareil. Hum, c'est un damir. Et haoula, c'est un ismushara. Et là, il veut le mettre en ismushara. Tous regardent hada, hada, hada, hada, tous des ismushara. C'est qu'il y a hada, en fait, ça devient haoula, ça devient pas hum. Non, ça devient haoula. Ah d'accord. C'est pas la même nature. T'en as un damir, là, c'est un ismushara. C'est un autre chapitre. طيب هذا حج تفضل محمد هؤلاء حجاج نعم هذا رجل هؤلاء رجال نعم رجال رجال في الجمع رجل هذا كبير هذا هؤلاء كبار لا كبار نعم كبار في الجمع كبير هذا صغير نعم صغار في الجنب الصغير هذا قصير هؤلاء قصار نعم هؤلاء قصار هذا طويل هؤلاء طوال طوال هؤلاء طوال طوال نعم et tous le premier ism ishara mubtada le deuxième c'est quoi ah quoi le premier c'est ism ishara c'est mubtada et le deuxième nom c'est quoi c'est khabar khabar هذا ولد هؤلاء أولاد نعم هذا ابن هؤلاء أبناء نعم هذا عم هؤلاء أعمال أعمال نعم هذا شيخ أعمام تكي وعبا لا عم في الجمع ده عم لزوك هذا شيخ هؤلاء شيوخ نعم خليك تيجي par exemple mon oncle Ami maison que je dis Arman. طيب هذا ضيف. هؤلاء ضيوف. نعم ضيوف الجنب. نعم. Donc de 13 à 20 à 25 inchallah في البيت. Les autres phrases. Donc c'est pareil, c'est simple. طيب. ايوه هؤلاء et après et pareil الجنب تكسير il est mixte. Ça y est, j'aime taxi, il est mixte. Regarde, tu vas dire, Haoula Nisa Tiwalun. Ça y est. Haoula Rijal Tiwalun, ou Haoula Nisa Tiwalun. Il est mixte. Ça y est. Armel, il y a un autre pluriel ou pas? Ah, si, il y a un autre tête, je ne le connais pas. De quoi? Armel. Armel. Ça y est. يقول حول المفردات التي تحتها خط إلى الجموع كما هو موضح في المثال là on a des mots singuliers طيب et on doit les faire devenir en pluriel comme cela est présent avec l'exemple qui est sous-titré par exemple il dit من هذا الرجل يقول هو حاج qui est cet homme c'est un pèlerin après c'est devenu من هؤلاء الرجال هم حجاج Vous faites comme ça en fait. La phrase elle est au singulier, vous la mettez au pluriel. On fait le début et on commence ensemble, tu vois, pour être sûr que c'est assimilé, et le reste à la maison. Naam. Comme demain, Inch'Allah, je vais me marier à Pader, c'est le temps pour faire Wajibat. Tayyib. Min Aina Hada Talibu, huwa min al Hindi, Annek Ahmed. Regarde là. Min Aina. Alors, tu vas dire Min Aina Haoula. هؤلاء طلاب الطلاب هؤلاء الطلاب هؤلاء الطلاب نعم هم تعالى هم من الهند شو اسمك لفتي هو لا تبع هذا كنت هو هو لدمية تقول لا كفي هو وما بت هم أيوة كفي هذا لا صارت هذا سمي هؤلاء نعم مفهوم طيب ثانيا أين تاجر كبير وفي السوق تفضل محمد أين التاجر؟ لا أين التاجر؟ نعم أين التجار؟ أين التجار؟ ثم الكبير التجار الكبير ها؟ الكبار الكبار نعم إيه الكبار سي كوا سون يعرب؟ ها أين التجار الكبار؟ النعت أحسنت نعت Je reprendrai sur les cours précédents parce que le nat j'oublie c'est quoi إن شاء الله عم سيف المراجعة عليه إيه والجزء الثاني لا تزم بارتي لافراز لا تزاجو لعب بلان دو الموش اه نعم un vrai yéménite. Hein? Laissez-le les mouches là, laissez-le tranquille. Aïe, Mohamed. Oui, c'est sûr. Qu'un vrai français. Ou quand même le chose, c'est ça. Aïe? La deuxième partie de la phrase. Home, c'est sûr. T'as pas entendu. Faddal, Abdelkader, je me fais aller ça, c'est. Aïna al mudarrisul jadidu, ou aïna al mudiri. لا تجمع مذكر سالم. أين المدرسون؟ أين المدرسون الجدد؟ نعم. هم عند المدير. نعم. عندي سؤال. تفضل. هل أستطيع أن أقول أين المدرسين؟ لا. لماذا؟ ليس الآن. لكن في خطأ نعم. إذا تمديش كنت تمدي ولا. Ouais, ça. Là, il y a une différence entre Moudarifou et Moudarifine. Une très grosse différence. C'est quoi Moudarifine? Ça viendra, Inch'Allah. C'est ceux qui étudient Moudarifine? Là, c'est pas ça. Bon, allez, ça. Ma fille Kofi Onak? Toi, Anta Kulta, Hal Moudarifou? Hal Moudarifou? Aïe, alors? Là, Hal. Jlis. Ça viendra, Inch'Allah. C'est simple à comprendre, mais c'est un autre vers. طيب الباقي في البيت طيب اذا تقرا على بيته الى باسيل المدرسون المدرسون يا مونتال دي دي دي تي ساوي ان كوبر دي دي في لا دي لا دي با ها لا دي نعم هم عند المدير طيب ثالثا اضيف الاسماء الاتيه مره الى اسم الظاهر واخرى للضمير كما وضح في المثال. Donc là, il veut que vous rendiez ces noms. De quoi? Moudaf, il est. En fait, il y a des noms. Il veut que vous en fassiez quoi des Moudaf? Vous voyez? Donc là, maintenant, il y a une règle à prendre. Ces noms-là. Parce que j'ai mis. Ah, ça. Ah ouais, mais on tue les jambes quoi. Eh non, mais regardez d'abord une règle. Regardez, Abna ou regardez, Abna ou il finit par quoi? La lettre. Hamza. Ces noms-là, comme Abna ou Ulama ou Asma ou Zumala ou quand ils sont marpour. Et qui sont moudaf, le hamza s'écrit sur un waou. Ça c'est une règle d'imlay, d'orthographe. Vous voyez, par exemple, tu vas dire abna. Abna ouhu. Comme ça tu vas l'écrire. On écrit en fonction de la haraka qui prend. Allez, voilà. S'il est marfou et qu'il est moudaf, le hamza s'écrit sur un waou. Le hamza là, s'écrit sur un waou. طيب ابناء محمد شوامت في حمزه فكرا شو هو واو ابناء بس مو نفس الشيء في في الكتابه تغير شانج لا في ابناء لا يا فاد واو لا يا واو ça change ابناء le dernier c'est écrit comment le حمزه شو هو واو la haraka c'est quoi qui est sur le شو ايش ça c'est le dernier non le hamza c'est un ou qui a dessus là ouais il y a un ou ابناء هو. Si c'est un i, si c'est une kafa, il s'écrit là, pas sur le. Là. C'est juste quand il est marfou. Il s'écrit comme ça. Quand il est marfou et moudof, le hamza qui est là, il s'écrit sur un waou. Ah. Et après, tu sais que le moudof, il est. Donc ça dépend de la kafa, de la haraka qu'il prend et après, il ça dépend de la haraka et ça dépend si c'est moudof. Comme je viens de dire, si le moudof marfou, waou. Vous voyez? Ça, c'est pour tous ceux qui ont cette forme-là. Non. Et pourquoi là, regarde, ils nous ont mis Zumala. Non. Ah. Donc, Zumala ou. Alors, Asma ou Fali. Tu vois, on met comme c'est au premier. Asma ou Fali. Après, on met Asma ou. Non, je. Et avec Zumala, pourquoi ils nous ont mis K? On peut pas mettre Zumala ou vous? Hein? Lui, c'est lui qui choisit. Vous dites? Ah, c'est lui qui choisit. Tu choisis tel demi-heure. Donc, Zumala ou K, donc on met pas. De quoi? Si, tous. Si les moudaf et marfour, tu l'écris comme ça. Là, ça va plus faire. Abna. Ouka. Pareil. Si les moudaf, à tout le monde, les moudaf et marfour, le hamza s'écrit sur un waouh. Vous voyez? Il faut obliger qu'il soit moudaf. Obliger les moudaf. Si c'est pas moudaf, c'est écrit normal. Abna oud. Sans waouh. Et si les moudaf? Oui, parce qu'il n'y a rien derrière. Non, là, il n'y a rien derrière. Ouais, d'accord. Mais par exemple, si tu dis Aouli, non, pas. Abna ou. Et attention, Moudaf à Damir, j'ai oublié de dire aussi. Ah ouais, parce qu'on regarde Abna ou Mohamed. Il faut qu'il soit Moudaf à Damir. À Damir, non. Ah, parce que sinon. J'ai oublié de dire à Damir. Il faut qu'il soit Marfour, Moudaf à Damir. Là, il s'écrit. Moustafir, ça? Non, à Damir. Ouais, là, c'est Moustafir. Zahir. Zahir. Le mot jeu, tu le vois. Vous voyez, s'il est marfour, moudaf, un damir, khalas. T'écris le hamza sur un waouh. Et comment tu sais qu'il est moudaf? Comment tu sais qu'il est moudaf? Ça, c'est une question que je n'ose même pas répondre. Taïeb. On fait, Inch'Allah. Hein? Non, ça, c'est pas écrit, justement. Pour voir si c'est acquis avec le waouh. Ça, c'est pas écrit, celui-là. Et parce que la faïda, c'est quoi? C'est de voir si, quand est-ce qu'on met le waouh, quand est-ce qu'on le met pas. À la base, c'est une règle d'imlet, d'écriture. Et là, il l'a mis dans le livre parce que c'est un truc important. Ça arrive souvent. Voyez. Donc, ça aussi, c'est le bait. C'est le troisième, c'est le bait. Allez, on va prendre un nouveau damir, fa'il. Ah, on se rappelle. Hein? On continue. Allô? Tu vois, on prend le waouh jama'a. T'arrives, on va arrêter maintenant. Parce qu'après, il y a le graphique qui est derrière, il est un peu long. نعم بول جماعة وبالبخون يوم السبت إن شاء الله نعم دوك لا نبقي كوات في المعلى ونبقي اسم الشعراء للجم القريب هؤلاء طيب ونبقي ضمير متصل الغائب المذكر الجم سي هم طيب هم منفصل منفصل جدي كوات منفصل آه طيب سبقة لسان ونبقي جم تكسير جم مذكر السالم جم تكسير هو celui qui a une apparence différente de son mufrad de son singulier. جم مذكر سالم هو celui où tu ajoutes un waou et un nun مفتوحة à la fin. C'est le même mot, tu ajoutes اونا مسلم مسلمون مدرس مدرسون جم مذكر السالم. طيب et on a pris quoi encore? On a pris lorsque les noms qui finissent par un hamza, le pluriel comme Abna, Zumala, Asma, quand ils sont Moudaf, Marfour, Moudaf, Damir et Marfour, le hamza s'écrit sur un waou. Vous voyez, le hamza s'écrit. Si comme Moudaf, Damir. Si les Marfour, Moudaf, Damir, le hamza s'écrit sur un waou. Vous voyez, juste à prendre ces trois choulottes là, et c'est tout. Si les Marfour, c'est-à-dire là-bas c'est l'endamma, qu'il est moudof à un damir, voyez, alors à ce moment-là, le hamza fait qu'il soit en waouh. Et quand tu fais l'exercice, Inch'Allah, ça va s'ancrer. Bismillah. Mafoum? Mohamed? Mafoum? Mafoum? On a fait le khulasa. C'est qu'on fait le def? On a fait le khulasa. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.